Lost in Space, comme tous les dimanches, vous accueille à partir de 21h pour une session quasiment exclusivement réservée au punk rock, musique bruyante, bruitiste, bizarre, diverses et variées. Pour connaître les titres, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de l'émission et c'est parti. My fault, I never learned a trade, so I just scrape all day. It's not my fault, yeah, when there's never enough, so I just toil away. And what you say to me, not how love's supposed to be. And oh, what you do to me when you become the enemy. It's not your fault, yeah, things didn't turn out the way you dreamed in school. Now you're raising two. But it's your fault when you raise a pointed finger at the one who loves you. And oh, what you say to me, it's not how love's supposed to be. Become the enemy. Pass the blame and our life away. Pass the blame, watch us fall away. Pass the blame and our life away. Pass the blame. watch us fall away. It's not our fault. Yeah, things never turn out the way we planned. Something we can never understand. And it's both our faults when we pass the blame instead of trying to change. Baby, just need to rearrange. And love, what you say to me, it's not how love's supposed to be. And oh, what you do to me, and you become the enemy. Pass the blame and our life away. Pass the blame, watch us fall away. Pass the blame and our life away. Pass the blame, watch us fall away. l'Inquisition est, comme on sait, une invention admirable et tout à fait chrétienne pour rendre le pape et les moines plus puissants et pour rendre tout un royaume hypocrite. On regarde d'ordinaire saint Dominique comme le premier à qui l'on doit cette sainte institution. En effet, nous avons encore une paternité donnée par ce grand saint, laquelle est conçue en ses propres mots. « Moi, frère Dominique, je réconcilie à l'Église le nommé Roger, porteur des présentes, à condition qu'il se fera fouetter par un prêtre 3 dimanches consécutifs depuis l'entrée de la ville jusqu'à la porte de l'église. » While we're young, now just forget about us. I've been forgetting all about you for so long. Yeah. Malgré toute sa vie, qu'il jeûnera 3 carêmes dans l'année, qu'il ne boira jamais de vin, qu'il portera le San Benito avec des croix, qu'il récitera le bréviaire tous les jours, 10 pater dans la journée et 20 à l'heure de midi, qu'il gardera désormais la continence, qu'il se présentera tous les mois au curé de sa paroisse, etc., etc. Tout cela sous peine d'être traité comme hérétique par juré impénitent. Quoique Dominique soit le véritable fondateur de l'Inquisition, cependant Louis de Paramo, l'un des plus respectables écrivains et des plus brillantes lumières du Saint-Office, rapporte au titre second de son second livre que Dieu fut le premier instituteur du Saint-Office et qu'il exerça le pouvoir des frères prêcheurs contre Adam. Sacrificial sanctimony, delicate belief, for all the Falklands war dead, we offer you a reef to show that you had rights and honour so surpassed. Next time the government shows war, you won't run quite so fast. Thank you. Some dead boy leaves his mother. Blood and fire, honor, death and dead eye. Can't take no more. Spoiler for the flight, they run against each other. Glowless set his fingers on the trigger. Bad neck drawn up, head not feel. Hope is on the run. I feel no pain. I ain't gonna run no more. I reach the rock where I'll be safe. No place to hide. I ain't gonna run no more. I feel no pain. Gotta save my soul. D'abord, Adam est cité au tribunal. Adam ou B.S. Et en effet, ajoute-t-il, le défaut de citation aurait rendu la procédure de Dieu nulle. Les habits de peau que Dieu fit à Adam et à Ève furent le modèle de San Benito que le Saint-Office fait porter aux hérétiques. Il est vrai que par cet argument, on prouve que Dieu fut le premier tailleur. Et il n'est pas moins évident qu'il fut le premier inquisiteur. Adam fut privé de tous les biens immeubles qu'il possédait dans un paradis terrestre, et c'est de là que le Saint-Office confisque les biens de tous ceux qu'il a condamnés. Louis de Paramo remarque que les habitants de Sodome furent brûlés comme hérétiques, parce que la sodomie est une hérésie formelle. De là, il passe à l'histoire des Juifs. Il y trouve partout le Saint-Office. Put the first hit the stage. The one who'd have done the fire in the heart. Stand up, get yourself up on the ground, stand up. Jésus-Christ est le premier inquisiteur de la nouvelle loi. Les papes furent inquisiteurs de droit divin. Et enfin, ils communiquèrent leur puissance à saint Dominique. Il fait ensuite le dénombrement de tous ceux que l'inquisition a mis à mort. Il en trouve beaucoup au-delà de 100 000. Son livre fut imprimé en 1589 à Madrid, avec l'approbation des docteurs. Les éloges de l'évêque et le privilège du roi. Nous ne concevons pas aujourd'hui des horreurs si extravagantes, à la fois et si abominables. Mais alors, rien ne paraissait plus naturel et plus édifiant. Tous les hommes ressemblent à Louis de Palermo quand ils sont fanatiques. What do I believe? It's hard to give, it's hard to get. And once you've lost it, it's always gone. I know I gotta go. Palamo était un homme simple, très exact dans les dates, ne mettant aucun fait intéressant, et supputant avec scrupule le nombre des victimes humaines que le Saint-Office a immolées dans tous les pays. Il raconte avec la plus grande naïveté l'établissement des Inquisitions en Portugal, et il est parfaitement d'accord avec quatre autres historiens qui ont tous parlé comme lui. Voici ce qu'il rapporte unanimement. Il y avait longtemps que le pape Boniface IX, au commencement du XVe siècle, avait délégué des frères prêcheurs qui allaient en Portugal de ville en ville brûler les hérétiques, les musulmans et les juifs. Mais ils étaient ambulants, et les rois même se plaignirent quelquefois de leur vexation. Yes. goes on in Spanish Harlem, goes on in Poughkeepsie. People slip away. Hit me in the arm, just please do it swiftly. We ain't got all day. Yeah. One more coat of arms, every business weekly. What's a man to say? It's not that I'm so strong, never knew what hit me since you came to stay. Yeah. Spirit inflamed, burning, bleeding, I'll catch up someday. Till tomorrow's bruises go away and the grass is turning into hay. Be proud to be your extra blade. Goes on in Spanish Harlem, goes on in Poughkeepsie. Lost my grip today. Masterpiece, I remember pain. This demon life's got you in its way, and I'm proud to be a lump of clay. Pape Clément VII voulut leur donner un établissement fixe en Portugal, comme ils en avaient en Aragon et en Castille. Il y eut des difficultés entre la cour de Rome et celle de Lisbonne. Les esprits s'aigrirent. L'Inquisition en souffrait et n'était point établie parfaitement. En 1539, il parut à Lisbonne un légat du pape qui était venu, disait-il, pour établir la Sainte Inquisition sur des fondements inébranlables. Il apporte au roi Jean III des lettres du pape Paul II. Il avait d'autres lettres de Rome pour les principaux officiers de la cour. Ces patentes de légat étaient dûment scellées et signées. Il montra les pouvoirs les plus amples de créer un grand inquisiteur et tous les juges du Saint-Office. Give them all, whatever children, and I'm going to save some time. just pretend that I'm not there. Just reach over to my pocket, take the paper, written down, it's up to you. It's up to you. Oh, continuation. I'm taking too long, just get back to it and I'm gone. Well, everybody wants to sleep, but give us something, they must be broken into today and tomorrow. Play the cards and count to ten, but the one you would never win. Close our eyes and see each other one last time, but no, I know that it's true, that it's up to you. Ask him! C'était un fourbe nommé Sandlerla qui savait contrefaire toutes les écritures, fabriquer et appliquer de faux sceaux, de faux cachets. Il avait appris ce métier à Rome et s'y était perfectionné à Séville, dont il arrivait avec deux autres fripons. Son train était magnifique, il était composé de plus de 120 domestiques. Et pour subvenir à cette énorme dépense, lui et ses deux confidents empruntèrent à Séville des sommes immenses au nom de la chambre apostolique de Rome. Tout était concerté avec l'artifice le plus éblouissant. Le roi de Portugal fut étonné d'abord que le pape lui envoyât un légat à la terre sans l'avoir prévenu. If you can. perform like they plan. Come morning rush, your traffic is our play of falsy land. So run around your frantic track and lay it down to sleep. Tomorrow's a redemption, we strive for that exception. Anxiety for love of life, anxiety for pain. Anxiety, a fear that you have nothing more to gain. Anxiety destroys us, but it drives a common man. Foundation of society, anxiety. Suppress it if you can. Le légat répondit fièrement que, dans une chose aussi pressante que l'établissement fixe de l'acquisition, sa santé ne pouvait souffrir les délais, et que le roi était assez honoré que le premier courrier qui lui en apporta la nouvelle fût un légat du Saint-Père. Le roi n'osa répliquer. Le légat, dès le jour même, établit un grand inquisiteur, envoya partout recueillir des décimes, et avant que la cour pût avoir des réponses de Rome, il avait déjà fait brûler 200 personnes et recueilli plus de 200 000 écus. Cependant, le marquis de Villanova, seigneur espagnol, de qui le légat avait emprunté à Séville une somme très considérable, sur de faux billets, jugea à propos de se payer par ses mains, au lieu d'aller se compromettre avec le fourbe à Lisbonne. courage. Yeah, make the world look better. You love the attention. You never had it. You never had it before. Under your influence, what goes wrong? Under your influence, cross my mind. Under your influence, what goes wrong? Under your influence, you cross my mind. Safety comes from your numbers. Nothing said or gained. Check and responsibility. True freedom from what? From what? Faisait alors sa tournée sur les frontières de l'Espagne. Il y marche avec 50 hommes armés, l'enlève et le conduit à Madrid. La friponnerie fut bientôt découverte à Lisbonne. Le conseil de Madrid condamna le légat Saavedra au fouet et 10 ans de galère. Mais ce qu'il y eut d'admirable, c'est que le pape Paul IV confirma depuis tout ce qu'avait établi ce fripon. Il rectifia par la plénitude de sa puissance divine toutes les petites irrégularités des procédures et rendit sacré ce qui avait été purement humain. You cry my mother again. You cry my mother again. Yeah. qu'importe de quel bras daigne se servir. Dieu. Voilà comme l'Inquisition devint sédentaire à Lisbonne, et tout le royaume admira la Providence. Au reste, on connaît assez toutes les procédures de ce tribunal. On sait combien elles sont opposées à la fausse équité et à l'aveugle raison de tous les autres tribunaux de l'univers. On est emprisonné sur la simple dénonciation des personnes les plus infâmes. Un fils peut dénoncer son père, une femme son mari. On n'est jamais confronté avec ses accusateurs. Les biens sont confisqués au profit des juges. C'est ainsi du moins que l'Inquisition s'est conduite jusqu'à nos jours. Il y a là quelque chose de divin, car il est incompréhensible que les hommes aient souffert ce joug patiemment. Yeah, you're abandoned, so sorry. You're just a waste of their time. Yeah, you've been lied to once again. Yeah, will they pay you? No. Got it and alone for homeless in this country. Where are Inquisition, juridiction ecclésiastique érigée par le siège de Rome en Italie, en Espagne et en Portugal, aux Indes même, pour extirper les juifs, les maures, les fidèles et les hérétiques. Cette juridiction, après avoir pris naissance vers l'an 1200, fut adoptée par le comte de Toulouse en 1229 et confiée aux dominicains par le pape Grégoire IX en 1232. Innocent IV étendit son empire en 1251 dans toute l'Italie, excepté à Naples. L'Espagne s'y vit entièrement soumise en 1448 sous le règne de Ferdinand et d'Isabelle. Le Portugal l'adopta sous Jean III l'an 1557, conformément au modèle reçu par les Espagnols. sofria. Preciso de aquecer o corpo. Algo que me bata forte, seja aguardente ao fim do corpo. Isto é bom remédio, daqui a nada é sempre sério. Bêbado que nem um cacho, acho que vou fazer a sério. Isto são conversas, as palavras são perversas. Barras fazem que psicólogos levam com grandes palestras. Alguns só ajuda a vir e imaginam são perto. Porque existem sempre frio como se fosse o resto. Não resiste a tanta gaja quando encaixa aquela faixa. Seja corta, alta ou baixa, gosto do rabo de saias. Tenta a minha sorte, levo paz, isso é normal. Não é que importa, sim, já é banal. Então, carrasco. E esse copo cheio? Então, madrugada. E essa língua viajante? Parece que sou maluco, viajo para o outro mundo. Largo tudo o que tenho, sou um estranho no meu desenho. O meu empenho é outro, queria ser só, mas sou louco. Estou a cada pouco e pouco a minha vida é um sufoco. Tento dar a volta para fugir destas trevas, mas eu não consigo sair. Quem vai à guerra dá e leva a minha força de reserva. Devo ter ficado levas nesta vida só à paz quando aceitas tréguas. Então, carrasco. E esse copo cheio? Então, madrugada. E essa língua viajante no corpo quente. Auparavant, 1545, Paul III avait formé la congrégation de ce tribunal sous le nom du Saint-Office, et Sixte V confirma cette congrégation en 1588. Ainsi, l'Inquisition, relevant toujours immédiatement de la cour de Rome, fut plantée malgré plusieurs contradictions dans un grand nombre d'états de la chrétienté. Parcourons tous ces faits avec M. de Voltaire, et dans un plus grand détail, mais ça certainement n'ennuiera personne. Le tableau qu'il en a tracé le main de maître, on ne saurait trop en multiplier les copies. Trevor was charged at Ratman Street Police Station at 9:45 p.m. When asked if he had anything to say, he made no reply. Do you have any questions on the facts, Mr. Wyman? No questions. Thank you. Were you aware that Mr. Charbonneau had to be treated for a wound you inflicted upon him? Yeah. Stand up. You do not invite leniency, do you? No. Yeah. fut dans les guerres contre les Albigeois que vers l'an 2000-1200, le pape Innocent III érigea ce terrible tribunal qui juge les pensées des hommes et, sans aucune considération pour les évêques, arbitre naturel dans les procès de cette doctrine, la cour de Rome en commit la décision à des dominicains et à des cordeliers. Ces derniers inquisiteurs avaient le droit de citer tout hérétique, de l'excommunier, d'accorder des indulgences à tout prince qui exterminerait les condamnés, de réconcilier l'Église, de taxer les pénitents et de recevoir d'eux en argent une caution de leur repentir. La bizarrerie des événements qui mettent tant de contradictions dans la politique humaine fit que le plus violent ennemi des papes fut le protecteur le plus sévère de ce tribunal. We wouldn't wanna break the egg as we walk, never alone, cautious, afraid. I hear the voice of reason on the PA. Leave it alone, follow the grain. We couldn't stop the irresistible force. Leave it the same, change with the lead. Leave it alone, heal and stay. Roll over and shake and beg for the bone. Leave it alone. Da na na na na na na na. Da na na na na na na na. Da na na na na na na na. Da na. Thank you. is holding you down. Another planet. L'empereur Frédéric II, accusé par le pape tantôt d'être mahométan, tantôt d'être athée, crut se laver du reproche en prenant sous sa protection les inquisiteurs. Il donna même 4 édits à Pavie en 1244, par lesquels il mandait aux juges séculiers de livrer aux flammes ce que les inquisiteurs condamneraient comme hérétiques obstinés, et de laisser dans une prison perpétuelle ce que l'inquisition déclarerait repentant. Frédéric II, malgré cette politique, n'en fut pas moins persécuté, et les papes se servirent depuis contre les rois de l'Empire des armes qu'il leur avait données. En 1255, le pape Alexandre III établit l'Inquisition en France sous le roi Saint-Louis.